par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à l'Accroche-oreille du dimanche 12 mai 2019. L'Accroche-oreille, l'émission dédiée aux arts sonores, aux musicalités insolites et sympathiques aussi pour l'oreille. On se retrouve ce soir en compagnie de Wartin Pantois. C'est un artiste connu à Québec pour ses interventions furtives et intempestives dans la ville. Vous les avez sans doute vus, ses collages, projections, dessins, objets, insolites manœuvres aussi artistiques sur l'asphalte de nos rues, sur des murs de bâtiments, sur des plateformes sonores. Bref, son art est engagé et plutôt engageant, toujours pensé comme une invite à voir la vie et la ville autrement. Et c'est ce que nous propose Wartin Pantois ce soir, que j'ai rencontré il y a quelques semaines déjà, à propos du projet qu'il a concocté pour la Manif d'Art 9, un parcours visuel et sonore qui s'intitule Point de vue. Un titre, ma foi, évocateur, puisque Wartin invite les passants à acheter un certain regard sur un fragment de paysage de leur ville en même temps qu'ils peuvent écouter à loisir le point de vue éclairé de citoyens à propos du paysage qu'on regarde. Le visuel dans ce contexte et le sonore sont réunis dans le sens d'un parcours tout azimut qui prend sa source de manière un peu aléatoire tout de même, mais qui prend sa source sur la rue Saint-Réal en surplomb de la côte d'Abraham. Le parcours comporte une quinzaine de stations identifiées par des autocollants. C'est pour ça qu'on peut parler d'un sticker art. Alors, autocollants qui sont assortis de codes QR qui vous mèneront avec votre téléphone ou encore votre tablette branchée aux sources sonores d'un projet à forte dimension citoyenne et artistique. Alors, sans plus tarder, retour sur ce parcours sonore de Wartin Pantois, pour qui l'art urbain, et là j'ouvre les guillemets, est un bon moyen d'amener les gens à réfléchir sur nos enjeux de société. Je referme les guillemets, on écoute Wartin Pantois. Wartin Pantois, bienvenue à l'émission. Hey, merci. Wartin, tu présentes un beau projet, c'est un parcours sonore, c'est présenté dans le cadre de la Manif d'Art. Ça s'intitule « Point de vue » et j'aimerais ça que tu me décrives le projet de but en blanc comme ça pour qu'on ait un peu une idée de ce parcours. Oui, c'est un projet que j'ai fait au sticker. Donc, c'est 10 points de vue. Et c'est un peu, quand j'ai présenté le projet à la Manif d'Art, j'ai parlé d'un projet qui présenterait des points de vue sur la ville, mais dans une perspective visuelle, des choses à voir dans la ville. Mais j'avais en tête aussi de présenter des points de vue de citoyens qui avaient quelque chose à dire sur ces choses à voir dans la ville. Donc, c'est un parcours composé de 10 stations avec une petite image signalétique qui se trouve à être l'œil de chacun des participants au projet. Il y a 10 participants, 10 citoyens qui se sont exprimés. Et sous ces images signalétiques-là, il y a des codes QR. Donc, le déambulateur urbain, le promeneur peut scanner et entendre un citoyen qui nous raconte quelque chose à voir dans la ville et son point de vue sur le sujet. Dis-moi, dans ce parcours-là, il y a des voix qui sont à la fois culturelles, qui sont à la fois politiques. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette idée, de ce projet pour toi? Bien, dans plusieurs projets, j'allie, disons, des collages urbains et des documents sonores qui viennent un peu appuyer le propos, parce que parfois, les images, ça parle, mais parfois, mon travail, il part presque d'une enquête journalistique ou d'une enquête artistique, on pourrait dire. Je vais à la rencontre des gens, je leur demande leur opinion, leur de me raconter ou de m'expliquer un sujet, un projet. Et je pars de ça pour créer. Et cette fois-ci, j'ai fait un peu le contraire. Je suis parti d'entrevues que j'ai faites avec des citoyens, à la fois des artistes, des citoyens engagés. Je pourrais nommer les participants tout à l'heure. Et donc, je suis parti d'entrevues audio et le projet, la partie visuelle du projet s'est ajoutée vers la toute fin. J'avais en tête de faire des œuvres signalétiques. Mais finalement, ça s'est transformé en projet de sticker art, très minimaliste. C'est mon projet le plus de plus petite ampleur par rapport au visuel. Là, c'est des toutes petites images là qui font 2,5 pouces par 2,5 pouces et des codes QR qui sont 1 pouce par 1 pouce. Donc, c'est très discret dans la ville. On peut dire que c'est un projet d'art furtif et qui sont liés à des codes QR pour entendre les citoyens. Wartin, on va écouter un extrait là, de ces voix qui parsèment ton parcours sonore. Devant vous, il y a ce qu'on appelle l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. Si vous étiez passé ici dans les années 90, vous auriez vu une église, une gigantesque église devant vous. Même avant ça, il y avait une partie de cette église-là qui était aussi le patro. Il y avait un complexe sportif adjacent à cette église-là dans les années 50 où on avait une piscine semi-olympique, un gymnase intérieur. Il y avait toute une vie citoyenne autour de ce quadrilatère-là. La partie complexe sportif a été détruite pour faire place à l'autoroute du Frein qui est juste à côté. À partir de la démolition de cette partie-là, les religieux à l'époque ont eu de plus en plus de difficultés à faire vivre l'église et ont dû la vendre. Vers la fin des années 90, c'est le promoteur Jacques Robitaille des hôtels Jarreau qui acquiert le terrain. Et tout au long de l'histoire, depuis 1990, à chaque période, on nous revient avec un projet d'hôtel, de complexe commercial et tout ça. Et il y a toujours rien qui se passe sur le terrain. Avec le temps, bon, l'église étant pas mal amochée, il a fallu détruire cette église-là et on devait conserver la façade puisqu'elle faisait partie du patrimoine et devait être intégrée dans un prochain projet. Saviez-vous que avant les bretelles de l'autoroute qu'on voit en ce moment, il y a déjà eu un village, il y a déjà eu des maisons, des gens, il y a déjà eu le quartier chinois de Québec et toute une communauté de gens qui habitaient là. Et ensuite, ça a été rasé pour construire les autoroutes dans les années 60-70. Mais saviez-vous aussi que il y a déjà eu un jardin, des sculptures, un potager, des arbres même qui avaient poussé sous l'autoroute qu'on voit en ce moment, comme si après avoir rasé toutes les maisons, la végétation, exproprié les gens, il y avait eu une repousse de la nature et que les gens étaient revenus s'installer sous les bretelles de l'autoroute. Eh bien, c'est ce qui est arrivé pour vrai. Dans les années fin 90, un groupe de gens, de citoyens, d'artistes qu'on appelle l'îlot de la rue Fleury ont déménagé leur plate-bande avec leurs pelles de terre et leurs sculptures à l'aide de camions et tout plein de gens bénévoles et volontaires ont déménagé leurs activités sous l'autoroute pour s'implanter. Et puis, c'est le cas ici, en haut de l'escalier du Faubourg. C'est un exemple de mise en valeur de l'expérience subjective de la déambulation urbaine, de la promenade urbaine, où on découvre des points de vue intéressants. Donc ici, on peut voir la basse ville, l'horizon, les montagnes, les Laurentides, des clochers d'église, quelques grands édifices. Et puis, cette façon de regarder la ville de Québec, fait partie de l'histoire de cette ville. Ça fait partie de la manière selon laquelle les artistes au 19e siècle ont représenté, ont peint, ont dessiné la ville. Donc, si on regarde l'histoire, la peinture, à Québec, il y a beaucoup, beaucoup de paysages. Et puis, on peut reconnaître des points de vue qui se développent, qui se transmettent d'un artiste à l'autre. Donc, cette expérience subjective qu'on peut avoir encore aujourd'hui est vraiment incrustée dans l'histoire de la ville de Québec. Et puis, ce qui arrive, cette expérience subjective va souvent donner lieu à des aménagements urbains, comme ici, la création d'un belvédère en haut de cet escalier qui a été construit dans les années 1880 par l'architecte Charles Baillarger. Martin, point de vue, c'est le projet que tu présentes dans le cadre de la Manif d'art. Il y a une dizaine d'artistes, ou en tout cas de citoyens, parce que ouais, j'aime bien cette nuance que tu fais, qui participent. Qui sont-ils, ces participants, ces complices de ton projet? Bien, je dirais que le premier, c'est celui qui m'a inspiré le projet. C'est Marc Grignon. C'est un professeur d'histoire de l'architecture à l'Université Laval qui était très impliqué dans le comité citoyen Saint-Roch à une époque où je l'étais aussi. Et lui avait fait tout un travail sur les perspectives visuelles dans la ville de Québec. Comment c'est important de préserver ces panoramas où on voit les proches et les lointains d'un seul coup d'œil, où on peut voir à l'horizon les montagnes. Donc, le projet est parti de cette idée-là, de mettre en valeur les perspectives visuelles. Puis, évidemment, il n'y a pas juste des belles choses à voir dans la ville, il y a aussi des terrains à l'abandon, il y a aussi des édifices, une histoire. Il y a d'abord Marc Grignon qui nous a parlé des perspectives visuelles. Il y a Jean-Louis Tédon qui est géographe, passionné d'aménagement urbain, qui nous parle, lui, de la piétonisation du centre-ville, du conflit entre parfois les piétons et les automobilistes. Il y a François Gécouillard qui, lui, nous raconte l'histoire du tramway à Québec. Bien, son histoire récente à cause du projet, mais aussi son histoire passée avec le tramway qu'il y a eu à Québec dans les avant le 20e siècle, qui était tiré par des chevaux, par la suite là, l'électrification du projet jusqu'à sa destruction là, dans les années fin des années 50. Il y a aussi évidemment Gaétan Gosselin. Il y a toi-même qui a accepté de me parler de l'aventure du projet Méduse. Il y a aussi Marie-Josée Renaud, qui est politicologue, écologiste et spécialiste, elle aussi, en aménagement urbain, qui nous parle de l'étalement urbain. Donc, un phénomène, un concept qu'on connaît peut-être pas, mais elle explique très bien là, comment l'expansion de la ville a créé aussi des enjeux pour aménager la ville, pour qu'elle soit conviviale et respectueuse de l'environnement. Et Martin, si tu veux, on va encore écouter un petit extrait pour faire une pause, qu'on ait un peu une idée de cet environnement sonore. Et on revient avec cette liste des citoyens qui ont participé au projet Point de vue. En 1892, le tramway va être électrifié. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est la fréquence de passage. En ce moment, le métrobus, c'est à peu près à toutes les 10 minutes. Le tramway, c'était à l'époque, au 19e siècle, à chaque 7 minutes. Donc, il passait plus rapidement que la RTC actuelle. Il y avait un circuit assez impressionnant. Tout un réseau là, à travers toute la ville, même vers Beauport, vers Montcalm, Sillery. Il va y avoir des rails un peu partout. Et le tramway passait par la côte d'Abraham, même si à pic, il n'y avait pas de problème, ça se faisait très bien. Si vous regardez justement au loin, vous voyez le centre Vidéotron. Ben, qui dit centre Vidéotron dit l'Expo Québec. Donc ça, c'est un attrait important là, au cours du début du 20e siècle. Donc les gens prenaient le tramway vers Limoilou puis allaient à Expo Québec, où il y avait des belles activités à l'époque. Le tramway, essentiellement, ça l'a permis de développer deux quartiers. Montcalm puis Limoilou. Sans ça, ces quartiers-là ne seraient pas les mêmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué de part et d'autre à la réalisation de ce projet, de cet idéal au départ. de faire en sorte que les artistes soient dotés de lieux de diffusion, de production et de vie. On va commencer tous ensemble à faire des démarches auprès d'un maire, le maire Lallier, qui va être très ouvert à cette idée de donner un toit aux artistes. Ça, c'était son maître mot. Il faut d'abord qu'une ville donne un toit aux artistes de sa ville. Et Méduse a d'abord été ça. Ça a d'abord été ça comme idée de départ, nous permettre d'avoir un toit, puis des lieux de travail qui étaient à la hauteur des compétences des artistes puis des travailleurs culturels de cette époque-là. Le problème de partage de l'espace urbain de la ville de Québec vient de l'aménagement du territoire des années 60, de la reconfiguration de la ville pour améliorer la fluidité de la circulation automobile et du transit des marchandises. On a complètement oublié celui qui était le plus vulnérable là-dedans, c'est-à-dire le piéton, le résident qui se déplace dans son quartier pour aller travailler, qui se déplace dans son quartier pour aller dans les lieux de loisirs, pour aller faire son épicerie. En plus d'insécuriser leur traversée des grandes avenues, on leur a proposé des trottoirs minuscules, des trottoirs sur lesquels on retrouve pour la plupart du temps dans les quartiers centraux des poteaux de téléphone et des poteaux électriques qui les empêchent de se déplacer facilement. C'est en ayant des enfants et en me déplaçant en poussette que j'ai constaté que c'était vraiment très difficile de s'y déplacer. Et encore, moi, c'est simple, je suis capable de descendre du trottoir avec la poussette et d'y remonter un peu plus tard, mais je pense surtout aux personnes qui sont en chaise roulante, les personnes à mobilité réduite qui sont obligées de faire un écart sur la route pour pouvoir traverser cet obstacle-là, et c'est très dangereux pour eux. Donc aujourd'hui, dans les quartiers centraux, on voit de plus en plus une volonté de se réapproprier cet espace urbain qui a été volé aux résidents pour de la circulation de transit. Wartin, donc 10 participants, 10 citoyens, on en a énuméré quelques-uns et je te laisse là le soin de poursuivre cette présentation. Oui, il y a M. Baye qui m'a parlé d'un coin du quartier Saint-Roch qui est un peu méconnu, qui est pauvre en aménagement urbain mais riche en diversité culturelle et sociale. Il y a aussi Marie-Ève Duchesne qui est organiste communautaire au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, qui m'a parlé de l'enjeu du terrain de l'ancienne Saint-Vincent-de-Paul, l'ancienne église qui a été détruite. Commence à faire plusieurs années. Il y a eu plusieurs projets sur ce terrain-là. Rien s'est concrétisé jusqu'à maintenant. Mais les citoyens du quartier Saint-Jean-Baptiste, eux, en ont des projets pour ce terrain-là. Donc, elle m'a parlé des projets là de logement social, de jardin communautaire, d'espace public pour ce terrain-là. Il y a aussi Julie Picard, qui est une artiste et qui a été très impliquée à l'îlot Fleury à l'époque, qui nous raconte justement l'histoire de l'espace situé sous les bretelles de l'autoroute du Frère-Montmorency, où il y a eu le quartier chinois, et également l'îlot Fleury, qui a été là plusieurs années. Il y a également Hélène Matt, qui est une artiste, une poète, qui m'a parlé du terrain des Sœurs de la Charité, un autre enjeu important dans la ville, qui est un terrain qui a eu une histoire vouée à l'agriculture, qui a été acquis maintenant par un promoteur immobilier qui veut construire un nouveau quartier sur ce terrain-là. Et elle nous raconte et nous chante sa perspective sur ce terrain-là. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Sœurs, mes sœurs, trop nous offrâmes à la dîme et au discours. C'est d'espoir qu'on nous affame, l'âme est à vendre et Dieu est sourd. Sœurs, mes sœurs, l'agriculture est capitale et c'est péché. D'offrir à qui n'en a cure des terres où il faut semer pour spéculer l'immobilier. Sœurs, mes sœurs, le monde devient un désert alimentaire. Pour aujourd'hui et demain, cultivons local et enfin, pas de quartier pour Dallaire. Da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- l'air, fait de l'air, de l'air, fait de Donc, cet étalement urbain-là a un certain impact, évidemment. Premièrement, on a une grosse perte de terres agricoles. La ville de Québec est assez dense, il y a beaucoup de gens à nourrir. Puis, on veut avoir un développement, on veut manger local, on veut que ce soit une possibilité d'avoir de l'agriculture autour de nos villes et de garder une ceinture verte autour de la ville. Ce serait quand même important de penser à valoriser les terres agricoles au lieu d'en faire seulement une opportunité de développement immobilier. On voit aussi qu'il y a plus beaucoup de forêts en dehors de ces montagnes-là. On sait que la forêt, bon, ben c'est comme un poumon. On veut surtout pas perdre nos forêts proches de la ville. C'est très important pour la qualité de l'air et la qualité de vie pour les citoyens et citoyennes aussi pour aller jouer dehors. Une autre chose aussi, c'est qu'en se développant comme ça sur un très grand territoire, avec beaucoup d'autoroutes, le transport en commun devient presque inefficace. Je voudrais vous parler d'un coin du quartier Saint-Roch qui m'est très cher et que j'habite. C'est le coin nord-est, le quadrilatère situé entre la rue du Pont, Prince-Édouard, Saint-Dominique et Saint-Joseph. La plupart des gens connaissent Saint-Roch ou tout ce qui est au nord, le nouveau Saint-Roch comme on dit. Mais ce coin n'est pas très bien connu et donc je voudrais vous en parler et vous inviter à le visiter aussi. Qu'est-ce qui caractérise ce coin? C'est deux choses qui caractérisent vraiment ce coin de quartier. C'est un coin qui manque d'aménagement et d'amour. Il manque d'aménagement parce que il n'y a pas beaucoup d'arbres. Par exemple, la rue de la Reine située entre Notre-Dame, la rue Saint-Dominique et la rue du Pont, il n'y a aucun arbre. Il y avait deux ou trois arbres qui ont été coupés parce que on faisait les travaux sur le poste hydro de la Reine. Donc il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de parc non plus dans ce coin, alors qu'il y a beaucoup de familles qui habitent là. Le seul parc qui existe, c'est le parc John Moon, heureusement devant la barberie, mais qui est situé à côté de la rue Saint-Roch, très bruyant, très passant, il y a beaucoup de véhicules, donc ça donne pas le goût d'y aller, et surtout pas les familles. Et donc oui, ça c'est des choses qui manquent vraiment dans ce coin de quartier, et pourtant c'est un coin de quartier qui a beaucoup de richesses, notamment la richesse humaine. Et enfin, la dernière capsule, c'est Véronique Lalande, qui est instigatrice du projet Vigilance Port de Québec, qui nous parle des enjeux concernant le port de Québec et ses fameuses poussières. Martin, je t'écoute. Il y a vraiment un panorama de réflexion à la fois philosophique, poétique, politique aussi sur l'avenir de la ville, de nos paysages urbains aussi. J'aimerais ça conclure l'émission sur ton travail, ta démarche personnelle, ta démarche artistique. Comment on pourrait la qualifier, là, te parler de paysage furtif, d'intervention furtive? C'est une approche qui t'habite depuis un bon moment, je pense. Ouais, tout a débuté à l'îlot Fleury à l'époque où j'étais impliqué également, où je faisais beaucoup de photographies à l'époque et j'avais pas de lieu de diffusion. Ayant étudié en sociologie, c'était difficile pour moi d'intégrer le monde des arts. Et donc, j'ai commencé tout simplement en faisant une exposition sur les piliers de l'autoroute du Frein-Montmorency, en collage, la même technique que j'utilise encore aujourd'hui pour la plupart de mes projets. Puis c'est seulement 10 ans plus tard que je suis revenu à ce type d'intervention urbaine-là dans la ville qui permet d'infiltrer, de faire apparaître des images dans l'espace public qui questionnent, qui interrogent les citoyens, les passants sur différents enjeux dans la ville et dans la société en général. Dis-moi, Martin, pour voir le projet, pour démarrer le projet, point de vue, pour aller écouter et voir en même temps, on débute ça à quel endroit? Qu'est-ce que tu nous suggères? Bien, je vous conseille d'aller sur le belvédère qui est juste en haut des escaliers du Faubourg. Et là, il y a un premier point. Il faut les chercher, par contre. Hein? C'est un projet d'art furtif, donc il n'y a pas de parcours officiel. Mais en partant de là, puis en se dirigeant vers l'escalier des Glacis, qui est dans la côte de la Potasse, juste après les bretelles d'autoroute du Frémont-Morency. Donc, en se promenant, en partant de l'ascenseur et en se promenant dans cette direction-là, vous allez croiser quelques points. Et pour des indices aussi, vous pouvez aller voir soit sur la page Facebook ou sur mon site web. Il y a quelques images des yeux signalétiques que j'ai mis dans le parcours, puis ça vous donne des indices où trouver ces codes QR-là pour les scanner et entendre les citoyens. Martin, je vais donner à la fin de l'émission les coordonnées pour le site web. J'invite évidemment tout le monde à aller faire ce parcours furtif printanier. Martin Pantois, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci à toi. Si vous regardez vers le fleuve, vous devriez voir des grandes installations, un peu comme des girafes, qui marquent un secteur du port de Québec, un des secteurs industriels. Derrière, on ne voit pas, mais on devine la plage de Beauport qui a été refaite. Mais en fait, ce qui me fascine toujours dans ce point de vue-là, c'est que si j'étais en 1950 et que je regardais par là, je verrais une faible partie industrielle et je verrais vraiment de la végétation, du sable et des gens en train de se baigner. Parce que dans les années 50, cette portion-là, le fleuve allait jusqu'au bord et les gens utilisaient cette portion-là pour se baigner. Donc, je suis toujours fascinée quand les gens me disent qu'il y a une problématique de cohabitation entre le port et les gens, mais en fait que le port a toujours été là et que les gens auraient dû aller ailleurs parce que sur ce secteur-là très industriel, les gens étaient là bien avant que le port construise par remblaiements successifs au cours des années 60 et 70 tout le territoire de Beauport, sur lequel aujourd'hui on manutentionne en grande quantité du vrac liquide, les grands citernes, les grands réservoirs blancs que vous pouvez voir, mais aussi des tas de poudre, c'est-à-dire du matériel de vrac, principalement du secteur minier. Alors voilà, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1, c'est la Croche-Oreille. On vient d'entendre les participants de ce projet de Martin Pantois qui s'intitule « Point de vue », un parcours sonore qu'il nous propose actuellement. C'est dans le contexte de la Manif d'art, version périphérique, je dirais, un parcours qui prend sa source approximative sur la rue Saint-Réal, près de l'ascenseur du Faubourg, qui surplombe la côte d'Abraham. Il s'agit d'un art furtif, alors on retrouve des autocollants avec un œil, un code QR, vous allez pouvoir amalgamer des sonorités et le paysage. Alors j'en profite pour vous dire que Martin Pantois présente également une œuvre très grand format. C'est intitulé « La beauté sauvera le monde », un collage sur la surface arrière de l'édifice du Théâtre de la Bordée. Une œuvre immensément impressionnante, je dirais, et c'est à ne pas rater. Alors, cela dit, je vous reviens après un bref battement promo à propos du Festival international de musique actuel de Victoriaville et on se revoit dans quelques instants. Dans le cadre du 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Tyshawn Sorey en trio avec Chris Tordini et Corey Smith le dimanche 19 mai à 15h en première canadienne. Soyez des nôtres pour un voyage sonore comme on en trouve rarement, sauf à Victoriaville. Pour informations et réservations, visitez le fimav.qc.ca. Le son. La croche-oreille. Une présentation d'Avatar. Le son. Thank you. c'est la Croche-Oreille ce soir. Alors, je m'en voudrais de ne pas souligner le 10e parcours d'installation sonore du Festival de musique actuelle de Victoriaville qui prend son envol cette semaine, ce jeudi 16 mai. Alors, le projet de sono urbaine sous la gouverne du commissaire Éric Dorion nous propose cette année un théâtre sonore. C'est un périple d'installations qui mettent en scène le son, le bruit et la musicalité au sens très large. Comme le souligne Éric, chaque œuvre permet aux visiteurs d'explorer des univers oniriques, abstraits, interactifs. Tout ça présenté au cœur de la ville de Victoriaville, un parcours d'œuvres installatives. On y compte cette année 7 créations imaginées par les artistes Georges Azaria, Ludovic Bonnet, Xavier Ménard, accompagné de Camille Saint-Amand, l'orchestre d'homme orchestre, Émilie Payeur et Scénocosme, qui est là pour le volet international. Alors, c'est vraiment à voir et surtout à écouter au centre-ville de Victoriaville. C'est du 13 au 19 mai. Alors, pour compléter l'émission de ce soir, je vous propose l'écoute de parutions récentes associées aux étiquettes actuelles CD Microclimat. Et pour débuter ça en beauté, je vous propose une pièce tirée de l'album Tout chaud de Simon Labbé. C'est un album intitulé BWV 1032-BWV 1020. Trois espaces. Pour ceux qui connaissent le catalogue de Bach, c'est inspiré d'une rencontre de hasard. Alors qu'il marche dans les rues de Villeray, Simon Labbé trouve une cassette de sonate pour flûte de Bach. L'œuvre est composée de trois interprétations qui vont nourrir la réflexion de Simon Labbé sur ce qu'on appelle l'espace vécu, l'espace perçu et l'espace conçu, des concepts développés par le sociologue Henri Lefebvre, et Labbé va en faire un travail sonore qui va mixer à la fois cette idée de l'espace et des œuvres tirées du catalogue de Bach. Alors on écoute le résultat, un extrait de la piste numéro 1 concernant l'espace vécu. Alors, on vient d'entendre une pièce de Simon Labbé qui s'intitule « Espace vécu » tiré de l'album BWV 1032-BWV 1020, un amalgame sonore tiré de sonate pour flûte de Bach avec l'univers, l'environnement de la ville, l'environnement urbain. Je vous présente maintenant une expérience sonore très singulière réalisée par Marc-Alexandre Reinhardt. C'est un projet de création qui s'est élaboré à partir d'interventions sonores collectives, alors ce qui est peu commun tout de même, des interventions collectives sur des territoires et sans doute plus spécifiquement dans la ville ouverte d'Almereida au Chili. Rita, qui est ce lieu utopique débarrassé des idées toute faite de l'aménagement territorial. Alors, Rita, qui est cette ville ouverte fondée au début des années 70 par des poètes, des philosophes, sculpteurs, des peintres et évidemment des architectes. Alors, Marc-Alexandre Reinhardt a compté sur la participation de Victoria Jolie, Sébastien Della Recchia et d'Éric Matson pour la réalisation de cet album intitulé Sin Lugares, est lancé en février 2019 sur l'étiquette orale, une étiquette qui est animée par Éric Matson. Alors, artiste multidisciplinaire et chercheur qui travaille le son, la performance, le texte et la vidéo, Marc-Alexandre Reinhardt développe des processus de création qui visent à explorer les potentiels sensoriels d'un site, d'une architecture ou encore d'un milieu spécifique, comme il a fait dans cette ville ouverte d'Almereida au Chili. Alors, on écoute un extrait de ce travail, de cette longue piste, un travail qui s'intitule « Et si on se retranchait » tiré de l'album. Beso. Thank you. Alors, on vient d'entendre un extrait du projet de Marc-Alexandre Reinhardt, une combinaison d'interventions sonores collectives réalisées dans la ville ouverte de Ritorque, un lieu utopique créé par des philosophes, sculpteurs, peintres, c'est au Chili. Alors, pour clore la soirée, je vous propose les récentes expérimentations du Quatuor Bozzini, un album encore là tout chaud intitulé « Musique d'art » qui cherche à mettre en pratique la théorie qui prétend qu'un son complètement abandonné à son autonomie, plutôt que recueilli comme matériau d'une facture poétique, retournerait à la rumeur de la nature. C'est donc dire aux oreilles du Quatuor Bozzini que pour être perçu esthétiquement, en tout cas, le son a besoin de la musique autant que la musique a besoin du son. Beau sujet de discussion. Alors, on écoute ensemble un extrait de musique d'art pour quintet à cordes. C'est la plage E. On va comprendre, c'est la plage pour un mi. Alors ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir sur les sonorités récentes du quatuor Bozzini. Mes remerciements chaleureux à Martin Pantois que je recevais en début d'émission. Et voilà, restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL le 89.1 pour une autre aventure sonore. Et ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. La croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.